7 millions, mais c'est toi, tu es dans ma vie. S'il te plaît, dis pas non. Plus aucun doute, tu m'attires, laisse-moi rentrer dans ta vie. Et ton antidote. Je t'ai souffert, laisse-moi essuyer tes larmes. Laisse-moi être ton homme. Priorité à mes yeux, maintenant c'est toi, baby love. Laisse-moi laver ton honneur. Je veux que tu sois à moi.